Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Alors, lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique et aujourd'hui, le financement des entreprises et plus précisément, le financement participatif ou crowdfunding. Une mission co-animée comme d'habitude avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors la principale difficulté donc lors de la création d'entreprises en France, c'est le financement. Près de la moitié des entreprises créées disparaissent dans les 5 ans, la plupart en raison de difficultés financières. Les entrepreneurs sous-estiment souvent la nécessité des fonds propres et les contraintes en termes de trésorerie lorsque l'activité se développe. Alors on va tenter d'être le plus clair possible, Francine. Lorsqu'on crée une entreprise, que faut-il entendre par fonds propres ? Eh bien Jérôme, les fonds propres, ce sont les ressources propres de l'entreprise. Ce sont des ressources dont elle va pouvoir disposer sur le long terme et qui peuvent servir notamment de garantie auprès des banques en cas de recours à l'emprunt. Alors pour obtenir ces fonds propres, soit le créateur ou les associés apportent des fonds personnels, soit pour les sociétés plus importantes, il est possible de recourir à la bourse en émettant des actions. Alors puis Francine, donc, depuis quelques années, donc, il y a une nouvelle forme de financement qui apparaît, le crowdfunding ou financement participatif. Alors via Internet, il permet à des particuliers donc d'investir directement dans les entreprises de 4 manières différentes. Tout d'abord, en devenant propriétaire, en achetant donc des actions, soit en prêtant des capitaux moyennant des intérêts, ou dans une moindre mesure des dons, en sachant qu'il y a également une quatrième solution avec la notion de prévente. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette chanson ? Écoutez ces quelques notes. Plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus eux, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est... Alors Francine, est-ce que tu as reconnu l'interprète ? Mais oui, c'est Grégoire, elle est très connue cette chanson. Oui, toi plus moi, bien Grégoire a été le précurseur dans le financement participatif en France. En effet, Grégoire était donc un parfait inconnu en 2008 lorsqu'il a réussi à convaincre 347 membres du site My Major Company d'investir 70 000 euros dans la production de son premier album. Et aucun d'entre eux n'a eu à le regretter puisque grâce aux ventes de Toi plus moi, plus d'un million d'exemplaires, ils ont touché jusqu'à 16 fois leur mise en royalties. Quant à Grégoire, il est devenu le porte-étendard en France d'un nouveau mode de financement, donc le financement participatif. Alors Francine, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce marché du financement participatif ? Alors oui, tout à fait. Le crowdfunding est devenu en quelques années une source de financement alternatif sérieuse pour les entreprises, associations et particuliers. Donc en 2020, plus d'un milliard d'euros ont été collectés via les plateformes de financement participatif en France. On compte en France environ une centaine de sites de plateformes qui aident les entreprises et particuliers à collecter des fonds en permettant de mettre en relation les porteurs de projets et les financeurs. C'est la première fois dans son histoire que le secteur dépasse le milliard d'euros. Jérôme, tu as évoqué les trois formes d'apport de fonds, donc apport en capitaux au titre d'un investissement, apport sous forme de prêt et enfin apport sous forme de dons. Eh bien, en 2020, 73% des capitaux collectés l'ont été sous forme de prêt, 21% sous forme de dons et 6% en actions. Alors, merci Francine pour ces précisions. Alors, on va essayer de comprendre comment fonctionne justement une campagne de financement participatif. Et quoi de mieux que d'inviter un porteur de projet ? Eh bien, bonjour Émilie Adam. Bonjour Jérôme, bonjour Francine. Merci pour cette invitation dans l'Instant Éco. Eh bien, merci donc Émilie d'avoir accepté notre invitation, car votre témoignage va nous permettre de mieux comprendre bien justement comment s'organise ce nouveau mode de financement. Alors, pouvez-vous dans un premier temps vous présenter en quelques mots ? Alors, je suis coach en développement personnel depuis maintenant 6 ans. J'adore mon travail et j'ai observé plein de besoins qui n'étaient pas forcément satisfaits chez mes clients. Et c'est comme ça qu'avec mon associé Bastien Dudel, qui est designer, nous avons commencé à réfléchir à une solution pour y répondre. Alors, pour quel projet avez-vous eu envie de vous lancer dans le financement participatif ? Alors, notre projet s'appelle Crocodet. C'est une application de développement personnel qui permet de rester motivé et d'atteindre ses objectifs en 10 minutes par jour. Alors en quelques mots, vous définissez un objectif, par exemple bien gérer mon stress face à l'imprévu, et vous recevez tous les jours un challenge qui va vous aider à modifier vos comportements pour atteindre aussi un résultat différent de ce que vous faites d'habitude. Et à tout moment, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un coach en visioconférence pour vous aider si besoin. Alors avant de vous lancer, avez-vous analysé donc le marché ? Est-ce qu'il y avait des applications donc concurrentes à la vôtre ? Oui, tout à fait, il y a un petit peu de concurrence. Alors pas exactement, on va dire que Crocodé est un peu unique sur ce côté challenge quotidien à réaliser, prendre 10 minutes par jour pour le faire, ce côté visioconférence avec un coach certifié pour dépasser un blocage ou avoir un accompagnement plus personnalisé. Donc, il y a par exemple, on peut citer Mon Sherpa, qui est une application plutôt à visée psychologique, qui d'ailleurs a été créée par des psys, qui permet de soutenir un patient entre deux séances. Et donc, quand le patient va pas très bien, il y a un système de petits outils qui sont proposés pour aider la personne à dépasser certains blocages, donc des exercices de méditation, de respiration, etc. Il y a également Fabulous, qui est une application de développement personnel. Il y a aussi cette notion un petit peu de mise en action, mais on va dire que c'est un petit peu différent. Par exemple, pendant 3 jours, le premier challenge, c'est de boire de l'eau. Du coup, il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'articles à lire. C'est un petit peu moins ludique. Et puis, il n'y a pas du tout cette possibilité d'avoir des rendez-vous avec des coachs en visioconférence. Alors, j'ai une petite question qu'on n'a pas évoquée. Pourquoi Crocodé ? Pourquoi ce nom ? Alors, au tout début, on était parti sur Crocodile, Croco et Codle, mignon, câlin, etc., ce côté anglophone. Après, on s'est rendu compte que c'était super compliqué à écrire, que même moi, je ne savais jamais s'il y avait deux D, deux L, où on mettait les lettres. Et finalement, après réflexion, on a vraiment simplifié et on s'est dit qu'on allait garder ce petit personnage un peu atypique du crocodile, qui peut paraître pas très sympathique au premier abord, mais finalement, ce sont des animaux plutôt doux et sympathiques. Et puis, Day pour la notion de jour, puisque l'application nous permet de nous mettre en action tous les jours vers notre mieux-être. Donc il y avait cette notion-là. Donc avez-vous sollicité en premier lieu les banques pour trouver un financement ou êtes-vous passé directement par la méthode du crowdfunding ? Alors nous sommes en train de finaliser nos demandes de prêts, prêts d'honneur, prêts bancaires pour la société. Et avant la création, bien sûr, nous avons emprunté en notre nom propre pour financer le capital de départ. Et là seulement, on lance la campagne. Alors justement, on va revenir dans quelques instants sur les différentes étapes à suivre donc dans cette campagne de financement participatif. On va passer à la première pause musicale et c'est l'occasion justement d'écouter les interprètes qui ne seraient pas là sans le crowdfunding. On a parlé tout à l'heure de Grégoire tout à l'heure. Eh bien, nous allons retrouver une de ses dernières chansons, Une trace d'amour, un peu en lien avec le développement personnel qui est le thème donc de l'application de Crocodé dont nous évoquons aujourd'hui le lancement avec Émilie Adam. Donc on retrouve tout de suite Grégoire et on se retrouve tout de suite après la pause musicale. On fera toujours partie de ceux que l'on ignore, qui font pas de bruit. On fera toujours partie de ceux dont on se moque, les tout petits. On sera toujours les trop bons, trop cons, ceux qui acceptent tout, ceux qui ne gueulent jamais. Ceux qu'on bouscule et qui vous disent pardon, ceux qui ne font pas de mal, ceux qui n'ont rien demandé. On est peut-être là par erreur, mais nous on parle avec le cœur. Et on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Nous on laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas les discours. Nous on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Nous on laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas les discours. On fera toujours partie de ceux qui dans les fils restent polis. On fera toujours partie de ceux qu'on croit débiles parce que gentils. On sera toujours les laissés pour compte dont on écrase les pieds sans même s'en rendre compte. ceux qui n'ont pas d'empire ni de royaume, ceux que l'histoire oublie, qui ne sont que fantômes. On n'est peut-être pas les meilleurs, mais nous on parle avec le cœur. Et on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Oui, on laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas les discours. On laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. On laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas les discours. Et on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. On laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas les discours. Oui, on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Oui, on laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas les discours. Et on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Oui, on laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas les discours. Voilà, c'était Grégoire avec la chanson Une trace d'amour. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Oui, vous êtes bien en effet sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission l'Instant Éco Émilie Adam, coach en développement personnel, pour nous parler financement participatif à l'occasion du lancement de son projet Crocodé. Alors dans la première partie de l'émission, on vous a expliqué le développement de cette forme de financement participatif et puis donc Émilie Adam nous a présenté, a commencé à nous présenter son projet. Alors justement, Francine, tu avais une question à poser à Émilie. Moi, j'aimerais savoir quel type d'objectif on peut travailler avec Crocodé. Alors, tous les objectifs qui touchent au développement de soi, donc la confiance en soi, la gestion du stress, la gestion des émotions, la gestion du temps, la communication, enfin vraiment tout ce qui va toucher à mon développement personnel. Je veux améliorer une compétence qui touche à moi, ça marche. Alors, est-ce que 10 minutes par jour suffisent pour pouvoir atteindre son objectif ? Alors oui, pourquoi ? Parce que habituellement, sur une journée de 24 heures, on a quasiment les mêmes comportements. On fait le même trajet pour aller dans le même travail, on rencontre les mêmes gens, on a à peu près le même type de discussion et finalement notre vie est un peu une routine. Là, le but de ces 10 minutes de challenge, c'est de créer de nouvelles habitudes, de modifier les comportements et du coup de créer de nouvelles connexions neuronales. Le fait de faire ça, ça va apporter une sorte de renouveau, de redynamisme de l'organisme qui va permettre en fait de commencer à faire des choses un peu différentes de l'ordinaire et qui va commencer à stimuler la personne d'une autre manière et qui va l'aider petit à petit à gagner en confiance, à gérer son stress, etc. Oui, alors vous avez évoqué les challenges possibles et si la personne n'a vraiment pas envie de faire ce challenge parce qu'elle ne se reconnaît pas dans le challenge à effectuer, comment ça va se passer ? Alors à terme, l'application, on pourra lui dire « j'ai pas envie de faire ce challenge, propose-moi un autre » et l'application sera capable de switcher, de proposer un autre challenge à la personne, sachant que parfois on ne voit pas forcément la nécessité de faire quelque chose. Ou alors cette chose nous semble un petit peu compliquée et nous sort quand même un petit peu de notre zone de confort. On se dit souvent, j'ai pas envie d'envoyer un SMS à mes amis parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Ils vont me prendre pour une dingue, c'est pas une question qu'on pose. C'est justement à ça que je pensais. Mais en même temps, le fait de faire ça, ça va apporter un autre type de relation avec vos amis. Peut-être que pour une fois, vous allez avoir une discussion un peu plus à cœur ouvert et que ça va apporter un peu plus de confiance parce que vous allez savoir ce que vos amis pensent vraiment de vous et ça va peut-être vous rassurer. Maintenant, on va essayer de vous expliquer les différentes étapes à suivre toujours dans l'hypothèse où nos auditeurs ont ou auront à terme un projet à défendre. Alors tout d'abord, le porteur de projet ouvre un compte sur donc, la plateforme qui lui convient le mieux. Alors justement, Émilie Adam, pas facile de s'y retrouver. Parmi toutes ces plateformes, il en existe une centaine, qui se propose donc de jouer le rôle d'intermédiaire entre le porteur de projet et les financeurs. Alors comment avez-vous effectué votre choix? Et je suppose qu'il a fallu convaincre de la pertinence de votre projet. Alors en effet, pour choisir, eh bien, nous avons déjà fait le point sur les différentes plateformes qui existaient. On a longuement hésité, Ulule et KissKissBankBank. Et finalement, notre choix s'est porté sur la deuxième. Alors au tout début, on a eu un rendez-vous avec notre mentor qui a étudié notre projet. Il a répondu à nos questions. Et ensuite, nous avons commencé à alimenter la page du projet, notre profil. En fait, c'est plutôt simple. On a vraiment été guidés à chaque étape du processus. Alors, la deuxième étape, le porteur de projet précise le mode de financement, si la plateforme en propose plusieurs, et le montant désiré. Donc, pouvez-vous apporter des précisions sur ces deux points ? Oui, tout à fait. Nous pouvions choisir sur cette plateforme entre un objectif financier ou un objectif de vente, de pré-vente. Quand on vend un produit, c'est mieux de choisir un objectif de pré-vente. Mais quand, comme nous, on est plutôt sur une application, c'était plus intéressant de fixer une somme à atteindre. Et en l'occurrence, on a choisi 5 000 euros. Donc, comment avez-vous décidé de fixer ce montant de 5 000 euros ? On a un peu choisi au hasard en quelque sorte. On va dire les 5 000 euros, ils ne vont pas nous permettre de financer la totalité de l'application, mais seulement une partie. En fait, l'argent, ce n'est pas vraiment une finalité en soi. Le but de notre campagne, c'est vraiment de vérifier l'attraction commerciale du projet et de créer une communauté impliquée dans l'évolution du projet. Donc, vous allez donc apporter des ressources internes. Oui, le prototype de l'application, il coûte environ 25 000 euros. Et pour passer à une version téléchargeable sur les stores, donc sur Apple et Google, eh bien, ça nous coûtera minimum 60 000 euros. Donc, oui. Alors, une campagne ne peut pas durer indéfiniment. Hein, donc, la plateforme décide de la durée maximale d'une campagne. Alors, c'est bien cela, Émilie Adam ? Alors, effectivement, la campagne, elle est définie dans le temps. Nous, on a pu choisir notre durée. On a choisi 35 jours sur les conseils de notre mentor KissKissBankBank. Je crois que la durée maximum sur cette plateforme, c'est de 60 jours. Alors, donc, si nos auditeurs sont intéressés pour mettre en place un projet sous forme de financement participatif, comment doivent-ils s'y prendre ? Bon, en fait, c'est vraiment simple. Il suffit de choisir la plateforme, déjà. Ensuite de créer un compte et puis de commencer à remplir les informations liées au projet. Une fois que toutes les informations sont remplies, il va falloir valider le projet et puis vous serez recontacté par un mentor de la plateforme. Ensuite, vont s'en suivre différents allers-retours jusqu'à ce que le projet soit satisfaisant pour tout le monde. Le but pour la plateforme, c'est vraiment qu'on réussisse notre campagne. Donc, les échanges sont vraiment bienveillants. Notre mentor, il a répondu à toutes nos questions. Il nous a donné plein de conseils. Et une fois le projet lancé, faut aussi se mettre en action pour solliciter son entourage, communiquer sur le projet. Et puis, plus on a de contributions, plus le projet est mis en avant sur la plateforme. Et du coup, si on atteint notre objectif de 5 000 euros, on peut récupérer les fonds, sinon tous les contributeurs sont remboursés. Alors la plateforme, on l'a dit, joue le rôle d'intermédiaire et doit proposer donc uniquement des projets auxquels elle croit, car pour fonctionner, elle va donc percevoir donc une rémunération. Alors justement, Émilie, pouvez-vous nous expliquer comment se rémunère la plateforme que vous avez choisie ? La plateforme KissKissBankBank, elle se rémunère en prenant une commission de 8%. Je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Donc concrètement, sur un objectif de 5 000 euros, il gagne 400 euros ou plus si évidemment on dépasse notre objectif. Oui, donc on a compris que la plateforme a tout intérêt effectivement à vous fixer des objectifs réalisables pour pouvoir atteindre votre objectif. Alors pour assurer les financeurs, donc la loi encadre les activités de crowdfunding. On va aborder donc ce cadre réglementaire après la deuxième pause musicale parce qu'après Grégoire, on va écouter une autre chanteuse, donc Joss Jonathan, qui elle aussi a bénéficié du financement participatif. Et donc on va vous faire écouter une chanson qui, je pense, Émilie, va vous plaire parce que justement, et elle a un lien avec le développement personnel, ce sont les toutes petites choses. On écoute donc tout de suite donc Joyce Jonathan et Tips. Les petites jolies choses, ça met dans le gris juste une touche de rose. Ça change pas la vie, ni la couleur de la mer. Ces rayons de soleil en plein hiver. Les petites jolies choses, parfois on les voit plus. C'est la vie en prose, un peu de poésie qui nous sourit quand on refait le monde avec un ami. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste, pour la beauté du geste, comme quand tu remontes le col de ma veste. Fais-le pour toi et moi, montre-moi si tu l'oses, si c'est pour la bonne cause. Au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs, ces petites jolies choses, ces petites jolies choses. Jolie chose, ça sent le café au petit matin. Et le pain grillé, c'est bonheur qu'on ne voit pas, mais qui nous manquerait s'il n'était pas là. Les petites jolies choses, c'est rien que la somme de quelques détails. Une chanson qu'on siffle, un air qu'on adore, un joli souvenir jusqu'quand on s'endort. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste, pour la beauté du geste, comme quand tu remontes le col de ma veste. Fais-le pour toi et moi, montre-moi si tu l'oses, si c'est pour la bonne cause. Au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs, ces petites jolies choses, ces petites jolies choses. De grands combats qui s'imposent, qu'on n'oublie pas de faire une pause pour ces petites jolies choses, pour ces petites jolies choses, ces petites jolies choses, ces petites jolies choses, ces petites jolies choses, ces petites jolies choses, ces petites jolies choses. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste, si c'est tout ce qui nous reste, pour la beauté du geste, pour la beauté du geste, comme quand tu remontes. Fais-le pour toi et moi, montre-moi si tu l'oses, si c'est pour la bonne cause. Au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs, ces petites jolies choses, ces petites jolies choses, ces petites jolies choses, ces petites jolies choses. Voilà, c'était Joyce, Jonathan, les petites jolies choses. Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne. Alors, vous êtes bien sur Radio Fadjet dans notre émission L'Instant Éco. Nous accueillons dans cette émission Émilie Liadan, coach en développement personnel, pour nous parler financement participatif à l'occasion du lancement de son projet Crocodé. Alors, après avoir évoqué les différentes étapes pour se lancer dans la collecte de fonds pour un porteur de projet, évoquons maintenant la partie réglementaire qui vise à rassurer les investisseurs qui vont apporter des fonds à une structure qu'ils connaissent peu finalement. Alors Francine, peux-tu nous préciser les principales dispositions qui vont sécuriser les apporteurs de capitaux ? Alors oui, tout à fait Jérôme, le recours au financement participatif est réglementé, donc dans un cadre juridique sécurisé qui a été renforcé à plusieurs reprises au cours des dernières années. Les plateformes ont obtenu un agrément par des organismes indépendants, les apporteurs de fonds doivent être informés que ce sont des placements non sans risque, notamment lorsqu'ils effectuent un apport en capital ou un des capitaux sous forme de prêt. Et pour limiter la prise de risque, le législateur empêche un particulier d'investir plus de 2 000 euros si le prêt est rémunéré et 5 000 euros s'il ne l'est pas. Donc merci Francine pour ces précisions. Alors, une campagne de crowdfunding nécessite une vraie capacité donc à bien communiquer sur son projet. Alors Émilie Adam, quelle campagne de communication avez-vous mise en place et notamment utilisée, je suppose, vous utilisez certainement les réseaux sociaux? Oui, oui, oui. La communication, c'est la partie essentielle du projet. Il y a peu de chances qu'un projet réussisse si les porteurs ne communiquent pas du tout dessus. Les premières contributions vont être essentielles puisqu'elles permettent de fédérer de nouvelles personnes hors du réseau. C'est un peu le principe du restaurant vide. Moi, je vais avoir plus envie d'investir dans un projet que je ne connais pas s'il y a déjà une cinquantaine de contributeurs ou s'il y a déjà 20, 25, 30% du financement total qui est atteint. Que dans un projet où il y a 0% ou alors il y a zéro contributeur. Donc oui, c'est, on a fait et on fait encore un gros travail sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. En moyenne, on publie un post tous les deux jours. On a également fait des lives, on a fait des campagnes d'emailing, et puis on en a beaucoup parlé autour de nous aussi. Oui, donc je suppose que vous avez aussi mobilisé votre réseau personnel. Oui, tout à fait. On a bien saoulé notre réseau personnel, nos amis, notre famille, pour essayer d'obtenir les premières contributions et lancer la machine. Et on les remercie de nous soutenir. Alors, le recours à ces plateformes permet de donner de la crédibilité à des projets en montrant que ce projet suscite l'intérêt d'internautes et convaincre, dans un deuxième temps, les banques d'apporter un complément financier sous forme de prêt. Est-ce votre cas ? Oui, complètement. On sait que si la campagne est un succès, eh bien, ça va montrer que le projet est attractif et donc qu'il y a un marché. Et ce sera beaucoup plus facile de convaincre des banques ou des investisseurs. Donc si parmi nos auditeurs, certains sont intéressés pour vous aider donc, dans votre projet donc, d'application donc, développement personnel, alors quelles démarches vont-ils devoir effectuer ? Eh bien, tout simplement, aller sur KissKissBankBank, en tapant ça dans Google, par exemple. Et puis, dans la barre de recherche de ce site KissKissBankBank, vous tapez Crocoday, C-R-O-C-O-D-A-Y. Et puis, vous allez tomber sur notre projet. Vous pouvez cliquer dessus, lire un petit peu ce qu'on a écrit, regarder nos vidéos de présentation. Et si ça vous intéresse, si vous êtes séduit, vous pouvez contribuer. Du coup, il y a des sortes... Une contribution, c'est une sorte de panier dans lequel il y a des petits articles, en quelque sorte, qui sont proposés. La campagne de pré-lancement, être bêta-testeur, obtenir 3 mois l'application, ou avis, ou un coaching. Enfin, voilà, il y a plusieurs... pré-vente ou offres qui sont proposées dans ces petits paniers de contributions. Ou alors, si aucune des contributions ne vous intéresse, eh bien, vous pouvez tout simplement faire un don libre juste pour soutenir le projet. Vous pouvez aussi nous soutenir en nous suivant sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, toujours Crocoday, on est normalement facilement retrouvable. Et puis en partageant nos publications, en les likant, et puis aussi en parlant tout simplement autour de vous, le soutien il peut se faire aussi par là, donc à vos proches, votre famille, vos amis, vos collègues, à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ça ou pas, forcément à première vue, parce qu'on ne sait pas finalement à qui ça peut correspondre. Voilà, et du coup ça peut être les 3 manières de nous soutenir et de nous aider. Et donc la contribution minimum, c'est Dans les paniers, c'est 10 euros et la maximum va jusqu'à 250 euros. Mmh. Ben merci Émilie Adam pour toutes ces précisions. Alors, on espère plein de succès à votre projet d'application donc, consacré au développement personnel. Alors rapidement, donc, en quelques mots, vous pouvez résumer votre projet. Donc Crocoday, une application de développement personnel qui permet de gagner en mieux-être en relevant des challenges quotidiens de 10 minutes. À tout moment, vous pouvez prendre rendez-vous avec un coach en visioconférence pour dépasser un blocage ou avoir simplement un accompagnement plus personnalisé. Et puis voilà, on vous remercie tous de nous avoir écoutés et merci à Fadjet, Jérôme et Francine pour cette émission. Ouais, merci Émilie. Moi j'ai une dernière petite question, ouais. Je suis curieux moi par exemple, et notamment sur les challenges. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de challenge que j'aurais à suivre si par exemple je veux réduire mon stress par exemple ? Eh bien avec plaisir. Donc par exemple ce challenge, il pourrait porter sur un petit exercice d'observation de votre corps par exemple. Le challenge pourrait être Jérôme, connecte-toi 2 minutes aujourd'hui au moment que tu veux, à ton corps et observe ce qui s'y passe dans tes jambes, dans ton ventre, dans ta nuque. Ça pourrait être aussi envoie un SMS à 3 de tes amis pour leur demander quelles sont tes principales qualités. Ça pourrait être encore télécharge une application de méditation et teste la méditation aujourd'hui. Voilà, il y a plein d'idées de challenge. Très bien, en tout cas, c'est une idée très originale. Je pense que le thème du développement personnel est très à la mode aujourd'hui et que vous avez eu raison de vous lancer dans cette application de développement personnel. Merci. Donc moi, je pense qu'à la fin de l'émission, je me connecte sur KissKissBankBank. Avec plaisir. Et en plus, je suis convaincu en plus que ce mode de financement participatif a très large avenir et va s'étendre donc à de plus en plus de secteurs. En tout cas, j'espère qu'on vous a éclairé donc, sur cette nouvelle forme de financement. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur la page Facebook du Radio Fadjet et nous faire part de vos suggestions sur des thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission. Et puis n'oubliez pas aussi de nous écouter en replay en allant sur le site Facebook de Fadjet. Eh bien Francine, on se retrouve comme d'habitude le mois prochain. Et oui Jérôme, le mois prochain. Tu es toujours fidèle au poste. Mais bien sûr. Très bien. Merci Émilie Adam. Merci à vous. Et donc passez un excellent mois et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.